Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast. Votre porte d'entrée donne directement sur l'une de vos pièces à vivre et vous avez envie de délimiter une vraie entrée chez vous? Effectivement, ce n'est pas si rare dans les petits appartements et les petites maisons de ne pas avoir de véritable entrée. Vous en avez marre des chaussures et manteaux qui traînent? Vous rêvez d'une entrée pratique, accueillante et chaleureuse? Dans ce podcast, on vous donne quelques conseils pour délimiter votre entrée, bien optimiser l'espace avec des rangements, et puis la décorer avec style. Tout d'abord, comment délimiter votre entrée? Vous pouvez marquer la séparation avec un paravent, avec une bibliothèque, un claustrat d'intérieur ou encore une mini-verrière, ou bien une cloison sous forme de tasseau de bois pour marquer l'entrée mais sans l'assombrir. Autre possibilité, jouer la différence de matériaux de sol. Vous pouvez par exemple opter pour du carrelage au niveau de l'entrée, tandis que les pièces à vivre seront recouvertes de parquet. Le carrelage est beaucoup plus facile à nettoyer que le parquet, pensez-y. A noter que l'alliance carreau de ciment et parquet est du plus bel effet si vous recherchez des idées déco. Comment optimiser votre entrée avec des rangements? Alors, deux choses à retenir. Choisissez des petits meubles adaptés à ce tout petit espace. Par exemple, un rangement à chaussures de petite profondeur, une table d'appoint de petite taille à la place d'une commode encombrante. Et deuxièmement, cherchez l'espace en hauteur avec des étagères ou des meubles hauts pour y accrocher les chapeaux, les écharpes, les vêtements d'extérieur ou les affaires dont vous vous servez moins souvent. Enfin, côté déco, comment mettre en valeur votre entrée créée de toutes pièces? Il y a également deux façons de faire. Soit de marquer réellement l'entrée en faisant un vrai contraste entre le reste de la maison et l'entrée, notamment en jouant sur la couleur des murs et le revêtement des sols, ou bien d'intégrer en douceur cet espace au reste de votre habitation en déclinant tout simplement le style de déco que vous avez déjà. Par exemple la déco scandinave, la déco industrielle, la déco vintage, etc. Ça c'est pour les grandes lignes. En pratique, pour décorer votre entrée et en faire un espace accueillant et agréable dès que vous franchissez la porte, vous pouvez placer une assise, comme une mini banquette qui servira également de meuble à chaussures, installer un miroir, accrocher quelques plantes en hauteur pour libérer la place au sol et apporter un peu de vie à cette entrée. Vous pouvez également placer quelques cadres de paysages que vous aimez ou de vos proches pour vous donner plein de courage le matin au moment de partir travailler. Et enfin, vous pouvez placer un tapis au sol pour réchauffer l'espace. Choisissez bien entendu un modèle lavable à poils très courts pour qu'il puisse être lavé et séché facilement. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour façonner à votre goût cet espace de transition entre intérieur et extérieur. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardin. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix. Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud ou encore Google Podcast. À bientôt !